Cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salat wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir al-muqaddimah, muqaddimatu al-musannif rahimahullah, ay Sheikh al-Islam al-Taymiyyah. فحمد الله سبحانه وتعالى وشهد كذلك لله عز وجل بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ثم قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة قوله الناجية الناجية من ماذا؟ تفضل الناجية من النار أي هذا في الآخرة أن هذه الفرقة ناجية أي من عذاب الله سبحانه وتعالى يترجم par le groupe sauvé sauvé de quoi du châtiment d'Allah سبحانه وتعالى dans l'au-delà زيد تفضل وفي غير ذلك ناجية من البدع والانحراف في دين الله عز وجل كساسوا لأنه ذا الله سبحانه وتعالى يتخبه أطخ فالفرقة ناجية منصورة أي على أعدائها لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين منصورين وسموا بأهل السنة والجماعة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أضافهم إلى السنة أي Ils appellent ce groupe Al-Ulama, Ahl-Sunna wal-Jama'a, les gens de la Sunna et de la Jama'a, les Annahum mutamassikuna biha. Ça nous montre que ce groupe n'est pas réservé à un tel minan nas, ou à un groupe précis. Man tamassaka bis-Sunna, Inch'Allah ta'ala, il fait partie de Ahl-Sunna. Les Annahum mutamassikuna biha. Les Annahum, ils sont accrochés à la Sunna, ils suivent la Sunna, ils aiment la Sunna. والجماعة قال لأنهم مجمعون عليها أو مجتمعون عليها نعم لأنهم rassemblés على ذلك والجماعة ما وافق الحق الجماعة هنا c'est pas le nombre لأن هنا حديث qu'on peut citer هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة Cette communauté se divisera en 73 sectes, كلها في النار إلا واحدة. Ça montre أنها ناجية من النار. هذه الفرقة, ce groupe, il sera sauvé de l'enfer بإذن الله عز وجل. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. أي c'est le groupe. Dans une رواية, et dans une autre رواية, من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Ceux qui suivent la voie du prophète عليه الصلاة والسلام et de ses compagnons رضي الله عنهم ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك الجماعة c'est de suivre la vérité même si l'insan il est seul donc قوله رحمه الله إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والجماعة أي ceux qui suivent السنة et qui font partie de la jama'a, ay ahlul haq, même s'ils sont moins nombreux que les autres. Ne pas comprendre, on a le groupe niveau nombre. Là, on a c'est le groupe qui est accroché à cette sunna. Même si ce groupe, ils sont peu par rapport aux autres. هذا الكلام من شرح شيخ العثيمين رحمة الله عليه. من يقرأ المقدمة يعيد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اعتقاد الفرقة الناجية اعتقاد الفرقة الناجية المذكورة لقيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقضاء خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم يكفي. أما هذا المتن il manque des mots au début. Après مزيدا il manque أما بعد فهذا اعتقاد. أما dans ton متن أنت directement مزيدا اعتقاد الفرقة manque un mot. لا شك il manque هذا. هذا المتن c'est اعتقاد الفرقة الناجية. فرajoute après مزيدا أما بعد ثم tu écris فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. أحسنت. فهذه العقيدة السلفية مبنية على هذه الأركان كشيخ الإسلام إلى السيتي رحمه الله هنا وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. Les six piliers de la foi. ثم tout au long du matn rahmatullah alayh il a détaillé ses fondements, ses piliers. Donc la croyance du musulman elle est fondée sur les six piliers de la foi. وهنا on peut lire من كلام العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى باختصار une explication très résumée de ces six piliers. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان في شرحه رحمة الله عليه قوله بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره هذه هي أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح. Donc ces six piliers de la foi, celui qui rejette un de ces piliers, iyadan billah, c'est pas un mu'min. Pour être un croyant, il faut absolument croire en ces six piliers. قال الذي دل عليه الكتاب والسنة وهذه الأركان هي تقدم معنا الدليل كثيرا حديث عمر رضي الله تعالى عنه كان جبريل عليه السلام il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم ما الإسلام ما الإيمان et le Nabi صلى الله عليه وسلم il a répondu à la question ما الإيمان avec ces six piliers الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال وهذه الأركان هي الإيمان بالله وهو الاعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء ومليكه وأنه متصف بصفات الكمال. الإيمان بالله سانجلوب plusieurs choses. أولا الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل c'est le رب c'est lui qui a tout créé c'est le créateur de toutes choses c'est lui qui gère tout c'est lui الملك سبحانه. قال وأنه متصف بصفات الكمال ومنزه عن كل عيب ونقص. Deuxième point, الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. أي أن الله سبحانه وتعالى il a des attributs parfaits, on y croit. Et كذلك الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن كل عيب ونقص. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de défaut, il n'a pas d'imperfection, il n'a pas de manquement. Enfin, nous, en Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait dans ses attributs et dans ses noms. Et كذلك, en Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun défaut, aucun manquement. Et tawhid al-asma wa al-sifat. Et le premier, c'est tawhid al-rububiyya. قال وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. Et في الحقيقة, هذا, c'est... ce troisième point, c'est le fruit des deux premiers. فمن آمن بالله عز وجل ربا ومن آمن بالله عز وجل ربا متصفا بأسماء وصفات كاملة عظيمة. Celui qui croit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Rab, c'est le Créateur, il possède tout, il a les noms parfaits, les attributs parfaits, ça doit impliquer annahu il adore Allah Azza wa Jal seul. Et ça c'est ma'na la ilaha illallah. Qala wal qiyam bidhalik 'ilman wa 'amala. Donc c'est ça l'iman billah. Ça nous montre anna al-iman billah c'est pas une parole faqat. Là c'est une aqida comme on dit i'tiqadun jazim, sans aucun doute. Et ça doit être un i'tiqad bi yaqin, avec sincérité, avec certitude. Et l'insan il fait des efforts, yata'allam. Et c'est le but de cette risala. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans cette risala, dans ce livre Al-Wasitiyyah, il va détailler ce point. Al-Iman billah kathiran, khasatan ma yata'allak bil asma'i wa sifat. Amma le dernier point, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, on l'a expliqué en détail ensemble dans les durus de At-Tawhid. Deuxièmement, l'iman bi al-mala'ika ou bi mala'ikatihi, ay at-tasdiq bi wujudihim awwalan. On a la conviction en Allah azza wa jalla, il a créé des anges, mala'ika. Qala wa annahum kama wasafahum Allah fi kitabihi, nu'min bil wasf. Allah subhanahu wa ta'ala les a cités dans le Coran, fa nu'min bihada. Qala kama fi al-ayatayn min surati al-anbiya 'ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Fa nu'min bihada annahum sid 'ibad mukramun. Ils font pas de péché. Ils sont daiman soumis, adorent Allah subhanahu wa ta'ala daiman. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, ils ne font pas de péché, ils ne feront jamais de péché les anges. Qala wa qad dalla al-kitab wa as-sunnah 'ala asnaf al-mala'ikati wa awsafihim. Dans certains hadith, Jibril annahu il avait 600 ailes, et hamalatul arsh annahum ils ont certains attributs. Fa nu'min bihadha, tant que le hadith il est sahih, ou si c'est dans le Coran. Wa annahum mu'akkalun bi a'mal yu'addunaha. Et certains de ces anges, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé annahum ils ont des a'mal wadha'if, ils ont des missions bien précises. Matalan Jibril mu'akkalun bil wahy. Jibril il est chargé de faire descendre la révélation sur les messagers. Fa nu'min bidhalik. Qala kama amarahum Allah fayajib al-iman bidhalik kulli. C'est ça l'iman bil malaika, croire aux anges. Al-iman bil kutub, le troisième pilier, ay at-tasdiq bil kutub allati anzalaha Allah ala rusulihi wa annaha kalamuh. Nu'min kadhalik anna Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé des livres à ses messagers, et ces livres c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annaha haqqun wa nurun wa huda fayajibu al-iman bima samma Allah minha. On doit croire à tous les livres dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, le Coran wa at-Tawra wa al-Injil wa as-Suhuf Ibrahim wa Musa wa az-Zabur etc. Qala ka at-Tawra wa al-Injil wa az-Zabur wa al-Quran. Na'am, bien sûr, le Coran c'est le livre qui a été révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. والايمان بما لم يسم الله منها. نعم. الله سبحانه وتعالى nous a informé de quelques noms de certains livres et d'autres livres. نؤمن بها اجمالا. Et tous les livres que Allah سبحانه وتعالى il a révélé à ses messagers, on y croit. Même si on ne connaît pas les détails, les noms, quel messager il a reçu quoi comme livre. هذا c'est un iman اي من حيث الاجمال. الاجمال اي global. اما s'il y a des détails, on croit aux détails. مثلا القران التوراة والانجيل. Amma, autre que le Coran, aujourd'hui les livres qui sont propagés, عند اليهود والنصارى par exemple, la Torah et l'Évangile, هذه كتب محرفة. نحن نؤمن بالكتاب qui a été révélé à Moussa et à Isa, qui n'a pas été falsifié. Amma, les livres qui sont propagés aujourd'hui, la Bible, etc., هذه c'est des كتب محرفة فيها ضلال كثير. قال رابعا الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى خلقه أي التصديق بهم جميعا. On croit en tous les messagers. نفس الشيء comme on a cité pour le kutub. Les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala il a nommé, on croit en eux. Notre prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام bien sûr, وهو أفضلهم بالإجماع, c'est le meilleur des messagers. Et كذلك le prophète Ibrahim, le prophète Moussa, le prophète Isa, il a akhri, alayhim as-salatu was-salam, jami'an. Et ceux que que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés de leur nom, etc. فَنُؤْمِنْ بِهِمْ إِجْمَالًا كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلْ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا فَنُؤْمِنْ أَنَّ chaque أُمَّةَ a reçu un messager بالإجمال. Et كَذَلِكَ لَا نُفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ. On sait que, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ, certains messagers sont meilleurs que d'autres. Et c'est tous des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les aime tous. أَمَّا التَّفْرِيقُ, comme ils font les Yahoud ou les Nasara, عِيَدًا بِاللَّهِ, ils ont accepté certains messagers et rejettent d'autres. فَهَذَا, c'est de la mécréance claire. Celui qui rejette un messager, qui ne croit pas en un messager, c'est pas un croyant. لِمَاذَا لِأَنَّهُ, il a, في الحقيقة, il a rejeté ce pilier de la foi. Et les ulama ils citent قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين, alors que Nuh c'est le premier messager les أهل الأرض. مع هذا الله سبحانه وتعالى dans ce verset il a démontré que le peuple de Nuh ils ont pas cru à tous les messagers, pourtant ils ont reçu qu'un messager, le premier. Les ulama قالوا هذا دليل أن celui qui rejette un messager, qui ne croit pas en messager, في الحقيقة كفر بالجميع, أنه et il ne croit pas en tous les messagers, et bien sûr ça implique qu'Anahu il n'a pas la foi. Cinquième pilier, l'iman bil ba'th. قال وهو التصديق بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة. البعث بعد الموت, هكذا قال شيخ الإسلام. البعث c'est الإخراج من القبور. On croit que Allah subhanahu wa ta'ala il ressuscitera tous les morts et tout le monde sortira de sa tombe. Tout le monde revivra et tout le monde sera jugé. Et هذا الايمان s'englobe tout ce qui est après la mort. Wallahi alhamd, on a fait ensemble une silsila de cours, une série de cours sur les étapes de l'au-delà et on avait détaillé wallahi alhamd ce pilier ensemble. Le dernier pilier, l'iman bil qadr khayrihi wa sharrihi, wa huwa at-tasdiq bi anna Allah subhanahu 'alima maqadir al-ashya' wa azmanaha qabla wujudiha. L'iman donc anna Allah subhanahu wa ta'ala 'alima kull shay, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera Allah subhanahu wa ta'ala il le sait. Qala thumma katabaha fi al-lawh al-mahfuz, et Allah subhanahu wa ta'ala il a écrit tout ce qui se passera fi al-lawh al-mahfuz. قال ثم أوجدها بقدرته ومشيئته, أي لا تكري سبحانه وتعالى. قال في مواعيدها المقدرة, لا تكري et tout ça c'est بمشيئته, أي c'est par sa volonté. Toutes les créatures Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui les a créées, c'est lui qui a voulu qu'elles soient créées. Et Allah سبحانه وتعالى il a tout قدر, tout est écrit dans un livre عند الله سبحانه وتعالى, et Allah سبحانه وتعالى il sait tout. أي les quatre degrés du destin qu'on a étudié ensemble كثيراً et qu'on reverra ولله الحمد en détail dans cette risala بإذن الله عز وجل. قال الشيخ البوزان هذا شرح مجمل لأصول الإيمان وسيأتي إن شاء الله شرحها مفصلا, أي c'est un bref aperçu des six piliers de la foi, et ce livre الواسطية c'est pour détailler l'explication de ces piliers. Aïe al-aqida, c'est ça la croyance du muslim. C'est fondé sur ces piliers. Laquelle on a voulu lire ensemble, Kalam Cheikh al-Bouzan, il est très simple et résumé, avant de commencer la lecture et détailler ces piliers ensemble. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa sadat. قال العلامة الشيخ السعدي رحمه الله فصل الصفات. قال في الأصل الأول, donc le premier فصل c'est sur الصفات, les attributs d'Allah سبحانه وتعالى, أي هذا متعلق بالركن الأول الإيمان بالله. قال في الأصل الأول وهو أصل الأصول كلها, ça c'est كلام الشيخ السعدي رحمه الله, وأعظمها وأهمها وعليه تنبني جميع الأصول والعقائد وهو الإيمان بالله. Avant de citer كلام شيخ الإسلام رحمه الله, الشيخ سعدي il a rappelé هنا أن هذا الأصل c'est أعظم الأصول وأهمها, c'est le fondement le plus important. C'est la base de notre dîn, al-iman billah. Et notre dîn, il est fondé sur la croyance en Allah. Toutes les croyances, c'est fondé sur hada. Toutes les adorations, c'est fondé sur hada. Pourquoi on adore? On adore Allah. Si on adore Allah, c'est qu'on croit en Allah. Kadhalik, le bon comportement, c'est pour satisfaire Allah, azza wa jal. Et hada al-asl, c'est très très important de lui donner de l'importance. Lianna, si ce fondement, il est solide, on lui donne de l'importance, ilman wa amalan, bien sûr, i'tiqadan, fa inshaAllah ta'ala, tout ce qui viendra après, ça sera salih, ça sera mufid, ça sera très profitable. Il y en a une chose qui est fondée sur quelque chose de tayyib, ça sera tayyib. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Et dans l'autre hadith, قال عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وهذه المضغة أي le cœur لا يصلح إلا بالإيمان. Le cœur, tu peux le corriger, le réformer, le fortifier qu'avec l'iman, qu'avec la croyance. C'est pour ça que les ulama ils ont donné beaucoup d'importance à hada. قال وعليه تنبني جميع الأصول والعقائد. Toutes les croyances, l'iman, oui, al-malaika, wal-kutub, wal-rusul, etc. Tout ça c'est fondé sur hada al-asl. C'est pour ça que les ulama ils ont donné beaucoup d'importance à hada al-asl. C'est pour ça que كذلك les ulama ils ont montré l'égarement de al-jahmiya, wal-mu'tazila, wal-ash'ira, والممثلة etc. les sectes ils se sont égarés في الإيمان. لماذا؟ لأنهم ils se sont égarés في أعظم الأبواب. بعض الناس ils ont des manquements, ils ont des égarements dans des choses مثلاً qui les concernent eux. Il fait pas telle obligation, il fait tel péché, c'est grave. خاصةً si c'est un grand péché. Là qui est encore plus grave que هذا, عياذا بالله, s'égarer في هذا الباب العظيم. مثلاً الجهمية يبخطنت كالله إلا قد مو إلا قد أتخيب سي غراف هذا لأن في الحقيقة سي طعن في رب العالمين الله سبحانه وتعالى نوزا انفرمي له أنه إلا دين ولله الأسماء الحسنى نوزا انفرمي كلا دي صفات ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى كما تقدم وهم يقولون لا إلا قد تتخيب إلا قد نو سي الله مبخطن كلا دين نو. Enfin, ça veut dire que si on dit qu'il a des attributs, ça veut dire qu'il ressemble à la créature. Et on a un tambih muhim, ne pas croire en ces égarements, ils ne sont plus d'actualité. Bel, les égarements que tu vois dans la umma, c'est fondé sur l'inhiraf fi hadha al-bab. Al-jahmiya mawjoudoun à notre époque, mais ils ont des autres noms, des autres appellations. Al-ash'ira kathiroun, al-mu'tazila كثيرون العقلانيون ils sont très très nombreux. Et لما انحرفوا في هذا الباب, quand ils se sont égarés dans ce point, la croyance, le premier fondement, ils se sont égarés dans les autres domaines. قال رحمه الله, قال المصنف رحمه الله, اي الامام ابن تيميه, ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. Et on croit en toutes les sifat qui sont citées dans le Coran, fi kitabihi, wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. On a étudié ensemble un kitab nafis fi hadha al-qawa'id al-mutla de Cheikh al-Uthaymeen rahmatullah alayhi. Parmi les règles qu'on a vu, anna al-asma wa sifat, hadha al-bab il est tawqifi. Et si on a un dalil, on doit croire. Si on a un dalil, en Allah, il a tel nom ou tel attribut, on doit croire. Si on n'a pas de dalil, on n'a pas le droit de s'avancer. C'est le sens de ce kalam. Hadha al-iman al-azim, cette croyance, elle doit être basée sur le suivi des salaf. Li'anna ba'd an-nas yu'minun, lakin bi'imanin fasid. Ba'd an-nas, ils ont une croyance, l'iman c'est la croyance, le fait de croire. Bah, les gens croient, mais ils ne croient pas comme ils ont cru à Salaf. فلهذا الإمام التيمية رحمه الله هنا il a fait une précision. قال في كتابه وبما وصفها به رسول وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف, sans faire de tahrif et sans faire de ta'til. وكذلك قال ولا تكييف ولا تمثيل. On s'écarte de ces quatre choses, ces quatre points qui font beaucoup de mal à la croyance du mu'min. Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi a'allaqa ala hadhihi al-alfaz, et il a expliqué avec un kalam jamil mukhtasar dans al-hashiya, fa naqra. Qala rahimahullah at-tahrif, wa hadha taqaddam ma'ana fi al-qawa'id al-mutla, on a étudié ensemble ces alfaz, ces mots, lakin ça nous fait réviser. قال التحريف معناه تغيير اللفظ أو تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها كقول الجهمية في استوى استولى وكقول بعض المبتدعة أن معنى الغضب في حق الله إرادة الانتقام وأن معنى الرحمة كذلك إرادة الإنعام وكل هذا تحريف. دونك التحريف ستغيير الفاظ الأسماء والصفات. C'est le fait d'expliquer. Ils appellent cela هم التأويل. C'est le fait d'expliquer un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala avec autre que la vérité. La vérité c'est quoi في هذه الصفات؟ La vérité c'est le madhhab des salaf. إمرارها كما جاءت كما نزلت. الله سبحانه وتعالى nous a informé أنه استوى. C'est le premier exemple que Cheikh Ibn Baz رحمة الله عليه l'a cité. استوى dans la langue arabe سيأتي معنا إن شاء الله وتقدم معنا dans الاقتصاد في الاعتقاد أن من معاني الاستواء العلو. الرحمن على العرش استوى, أي Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son arche. Il est au-dessus de son trône. Voilà, c'est l'explication des salafs et l'explication en langue arabe. Hum, ils ont déformé, c'est ça tahrif, c'est une déformation du vrai sens, et ils ont dit staoula. Ça, c'est un genre de tahrif. Et tahrif ou lafd. Ils ont complètement, yadam billah, changé Allah. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, fait le Coran, qala, الرحمن على العرش استولى لا قال استوى فبوركوا شونجي خاصة أن لو سونس سي بلو لو ميم استولى سا فين دو الغلبة استولى مثلا فلان على على على بلاد اي سي il a pris le dessus il a réussi à conquérir ce bilad et ça في الحقيقة كما تقدم معنا ça montre du نقص لأن le fait de conquérir une chose ça veut dire que l'insan il l'avait pas il a réussi à l'avoir après un moment et ça c'est من الضعف والنقص. الله سبحانه وتعالى يبسط تو سي مالك يوم الدين يبسط تو عز وجل. Il a cité un autre exemple, هذا في الحقيقة une autre catégorie de تحريف. التحريف في المعنى, le sens c'est le love, et le mot c'est le même, لكن بعض الناس ils ont gardé ce mot, ils l'ont expliqué avec un sens que السلف ils n'ont pas cité. مثلا il a cité الغضب, c'est une صفة ثابتة لله عز وجل. Allah سبحانه وتعالى il se met en colère quand il veut, contre qui il veut, عز وجل. Et Cheikh l'Islam il a cité des preuves pour cela. فماذا قالوا أن معنى الغضب في حق الله إرادة الانتقام. الغضب pour eux ça ne veut pas dire que Allah il s'est mis en colère là. Pour eux ça veut dire que Allah سبحانه وتعالى il veut châtier tel peuple ou telle personne, ou il châtiera telle personne. هذا في الحقيقة هذا مذهب الأشاعرة أنهم يفسرون الصفات باللازم. Ça veut dire quoi اللازم؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى si ça met en colère contre une personne ou un قوم il peut la châtier si il veut. هم في الحقيقة ils ont expliqué le sens de l'attribut avec ce que ça implique. Ça c'est de l'égarement. لأن on a des preuves أن الله سبحانه وتعالى il châtiera des gens, des peuples إلى آخره. On a beaucoup de أدلة في القرآن وفي السنة. لكن on a des preuves en Allah subhanahu wa ta'ala yaghzab, il se met en colère. Enfin, on dit et on a la conviction en Allah yaghzab. Wa hakada avec ar-rahma, ils ont fait la même chose. Et la dernière partie de al-qawaid al-mutla, elle est très très utile fi hadha al-bab wa lillahi al-hamd, vous l'avez étudié. Thumma qala wa la ta'til. انتهينا من التحريف ولا تعطيل. قال التعطيل معناه سلب الصفات ونفيها عن الله تعالى وهو مأخوذ من قولهم جيد معطل أي خال من الحلي. فالجهمية وأشباههم قد عطلوا الله عن الصفات أو عن صفاته فلذلك سموا بالمعطلة. التعطيل ça vient de, أو ça ressemble au mot الإنكار ou al-juhud, le fait de rejeter une chose, le fait de ne pas accepter une chose, c'est ça at-ta'til. At-ta'til c'est le fait de rejeter as-sifat. Il y a une différence entre at-tahrif ou at-ta'til. Qala rahimahullah wa qawluhum hadha min abtal al-batil id la yu'qal wujud dhat bidun sifat. Qawl al-Jahmiyyah, il est très très grave. C'est des mu'attila. Et al-Jahmiyyah al-Ghula, il y a qu'ulun an Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de nom, il n'a pas d'attribut, etc. Falihada qala Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, hada c'est min abtal al-batil. Ça c'est du kufr clair, c'est de la grande mécréance. Le fait de dire qu'Allah, il n'a pas de nom, il n'a pas d'attribut. Limada li anna ma min mawjoud. Toute chose qui existe, la shak, anna cette chose, elle a des sifat. Le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas de nom, il n'a pas d'attribut, fil haqiqa c'est aqidatu al-malahida, ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala du tout. Falihada al-ulama kaffaru al-jahmiya, c'est pour ça qu'ils ont fait sortir al-jahmiya min al-islam. Qala al-takif wa taqaddam ma'ana anna al-ta'til, il y a plusieurs niveaux. Il y a ta'tilu al-jahmiya, ils ont rejeté les noms et les attributs. Il y a ta'til al-mu'tazila, ils ont accepté les noms. Lakin mujarrad a'lam ankaru al-awsaf, ils ont rejeté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et kadhalik al-asha'ira, c'est des mu'attila. Limadha li'annahum, ils ont accepté certaines sifat et ils ont rejeté d'autres. Al-muharrif c'est un mu'attil. Limadha, qui c'est qui répond à cette question? المحرف سامعطل تفضل. لأنه سلب عن الله حقيقة المعنى حقيقة معنى الصفة. نعم. عند من؟ أن قبل أن حرف عطل. هذا شيء آخر الذي تقصد أظن. تفضل. لأنهم لا يثبتوا صفته. أحسنت. لأنهم ما أثبتوا الصفة. مثلا الغضب, est-ce que al-Ash'ari dit que Allah il a sifat al-ghadab? La, pour lui Allah il a pas sifat al-ghadab. Pour lui le ghadab ça veut dire autre chose, donc est-ce qu'il a accepté le ghadab? La, c'est un mu'attil. Al-Ash'ari c'est des mu'attila. Wa ha'ula kulluhum wa rubbama hadha alladhi aradahu al-akh, ha'ula kulluhum fi al-haqiqa c'est des mumathila kadhalik. Ay avant de faire al-tahrif ou al-ta'til, mathalu Allah bil makhluq. Avant de, ou plutôt, c'est quoi qui les a poussés à dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas se mettre en colère, ou Allah il n'a pas de main, ou Allah il n'a pas de visage, ou Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas de doigt, ou Allah subhanahu wa ta'ala il ne peut pas aimer, faire miséricorde. Toutes ces sifat thabita fil Quran ou fi sunnah ou fihima, ou dans les deux. Limadha li'annahum mathalu. Ils ont dit, si tu dis qu'Allah il a des mains, un visage, des doigts, des yeux, annahu il aime, annahu il déteste, annahu il pardonne, annahu il fait miséricorde, ils disent l'être humain kadhalik. Et pour eux, et c'est huna l'égarement, ils pensent que si tu acceptes ces attributs, tu feras ressembler Allah à la créature. Enfin, un groupe a attalu, ils ont dit c'est pas possible, donc Allah il n'a pas d'attribut. Bel Bardom, ils ont dit il n'a pas de nom, il n'a pas d'attribut. Un autre groupe, ils ont dit Allah il n'a pas d'attribut. Et un troisième groupe, Et c'est eux, les plus dangereux. Leur shubha, elle s'est propagée. Ils ont accepté certaines sifat. Allah, il a du ilm, il est vivant, etc. Ils ont accepté. Et d'autres sifat, pour eux, qui contredisent l'aql, ces attributs contredisent la raison, ils les ont rejetés. Avec des ta'wilat, tahrifat. Al-Ghadab, ils ont dit, même Allah subhanahu wa ta'ala, on a des versets ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala, il se met en colère, lakin yaqulun, c'est pas la colère comme nous. Enfin, ils ont dit, c'est pas de la colère. On dort le cheminement. Nahnu kadhalik, on dit que c'est pas de la colère comme nous, lakin c'est quoi le fark entre nous et eux? Indaman. Naam, nahnu nuthbit al-ghadab. Et la haqiqa, c'est huna que بعض الناس ils ont pas compris, ils se sont égarés. Les anna as-sunni kadhalik, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il se met pas en colère comme le makhluq. L'être humain, mathalan, quand il se met en colère, il rougit. Son sang, il chauffe. Ma'rouf, awsaf le bachar. Allah subhanahu wa ta'ala, il se met en colère. Wa laysa kamithlihi shay'. Va nahnu, on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il se met en colère. Pas comme l'être humain, lakin il se met en colère. Comment il se met en colère? Allahu a'lam. Et c'est ça le troisième point. Qala at-takif, ma'na, bayanu al-hay'ati allati takun 'alayha as-sifat. فتأملوا هذا التكييف سبيان الهيئة أي كومو مثلا الله سبحانه وتعالى يسمى en colère. On n'a pas à chercher comment. L'être humain, on sait. Quand tu vois un être humain, tu sais ce qu'il est en colère, amla. Tu le vois sur son visage, sur son comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, on a des informations claires dans le Coran ou dans le Sunna qui se met en colère contre certaines personnes, contre certains actes, il a arrêté. Lakin le comment, Allahu a'lam, on ne sait pas. فَلِهَذَا قَالَ فَلَا يُقَالَ كَيْفَ اسْتَوَى كَيْفَ يَدُهُ كَيْفَ وَجْهُ. Pourquoi on ne dit pas كيف? أولاً, السلف, ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas dit, ils ne l'ont pas demandé, ils n'ont pas posé cette question. ثانياً, pourquoi demander alors que personne n'a la réponse? C'est aucune utilité. ثالثاً, أين الفائدة? Il y aura une فائدة. Pour toi, il y aura un profit pour toi. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aurait informé. S'il ne nous a pas informé, c'est qu'on n'a pas de profit fi hada. Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Et on s'arrête huna. Qala wa nahwi dhalik idh al-qawl fi as-sifat kal-qawl fi adh-dhat. Ça, c'est une règle inda ahli as-sunnah wal jama'a. Wa taqaddamat ma'ana. Al-qawl fi as-sifat كالقول في الذات. فالله سبحانه وتعالى سي الخالق سي المالك سي العزيز سي الجبار عز وجل. فلا شك أن له ذات. الذات يتخرج par être. مهم il est موجود سبحانه. Comme on ne sait pas كيفية الذات, comme on ignore كيفية الذات, كذلك on ignore كيفية الصفات. لأن c'est من حيث الإثبات والنفي, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas informé plutôt عن كيفية الذات, et كذلك il ne nous a pas informé عن كيفية الصفات. Si tu demandes maintenant au Ash'ari, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, il est موجود, il est vivant, il va te dire, la shak, na'am. Est-ce que son existence, عز و جل, c'est comme la nôtre? Il va te dire, la. Tu lui dis, الكلام, القول في الصفات, كالقول في الذات. Tu as accepté anna dhat, elle n'est pas comme dhat al-makhlouq, enfin tu dois accepter anna sifat, c'est pas comme les sifat du makhlouq. Thumma qal, rahimahullah, at-tamthil, wa amma at-tamthil, fa ma'naha at-tashbih, fa la yuqal dhatullah, mitl dhawatina, aw shibh dhawatina, wa hakada fa la yuqal fi sifatihi, innaha mitl sifatina, aw shibh sifatina. بل على المؤمن أن يلتزم قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله وهل تعلم له سميا والمعنى لا أحد يساميه أي يشابهه. Il a conclu par l'explication de هذا اللفظ التمثيل, أي أن الله سبحانه وتعالى il ressemble pas à ses créatures. Comme son être, الذات, elle ressemble pas aux ذوات, aux êtres des مخلوق, Fahakada, ses attributs Azza wa Jal. Et il a cité le verset, al-haqiqa, c'est une règle, inda ahli sunnati wal jama'a, laysa kamitlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Wa hadha aw hadhihi al-aya, Cheikh Saadi rahimahullah, il l'a cité, fa naqra. Qala rahimahullah. On finit al-matn. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فعقيدة المؤمن في الأسماء والصفات elle est fondée sur ce verset. C'est une règle. ليس كمثله شيء. Allah سبحانه وتعالى il ressemble pas aux créatures, personne ne lui ressemble. وهو السميع البصير. Et il a des noms, il a des attributs. Parmi ces noms, السميع et al-basir. Et parmi ses attributs, sifatu sam' et sifatu al-basir. Allah, il entend et il voit. Qala fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu wa la yuharrifun al-kalim an mawadhi'ihi wa la yulhiduna fi asma'ihi wa ayatihi. Hada taqaddam ma'ana fi al-qawa'id al-mutla. Ay al-ilhadu fi asma'illah wa sifatihi wa ayatihi. Ay insha'Allah on lira kalam al-Sheikh Sa'di s'il a cité cette mas'ala. Qala li'annahu subhanah la samiyya lah wa la kufwa lah wa la nidda lah wa la yuqas bi khalqihi subhanah. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable, il n'a pas de mathil, il n'a pas de nid. Tous ces mots ils se ressemblent. Wa la yuqas bi khalqihi subhanah. Et ça c'est très très important. Ne compare jamais Allah subhanahu wa ta'ala à la créature. Ne compare jamais les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à la créature. L'imada li'annahu c'est incomparable. Allah c'est le khaliq, c'est le créateur, et l'être humain il est makhlouq, il est créé. Allah c'est le ghani, il possède tout. Al-abd, al-makhlouq, c'est al-faqir, il est pauvre, il possède rien. Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'awwal, c'est l'akhir. L'être humain il est créé, il n'existait pas, il goûtera à la mort. L'imada comparé. Al-qiyas, c'est dans des choses semblables. Hatta fil fiqh, pour faire le qiyas, il faut qu'il y ait une illa jami'a. Il faut qu'il y ait une base qui est la même. Même dans le fiqh, si wahadi fil qiyas, mettant telle chose, elle est haram. Et il fait une comparaison avec une autre chose qui n'a rien à voir, et il dit c'est haram. En appliquant al-qiyas, c'est batil, c'est rejeté. Amma fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala, c'est très très grave. Tu n'as pas à faire de qiyas. Pourquoi la plupart des gens ils se sont égarés vers hadal bab et ceux qui se sont égarés aqsud à cause de hadal qiyas. Je dis comment vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus du trône? Comment vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage? Comment vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala il a des mains? Comment vous dites pourquoi les anhum ils comparent avec l'être humain alors que Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'awwal, Allah subhanahu wa ta'ala il a toujours existé avant de créer l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il avait un visage, il a toujours un visage, alors que Adam, il n'était pas encore créé. Enfin, l'imad a cette comparaison. Allah, il a toujours eu ses sifats. Fa'onduru al-inhiraf wa as-safah fil-haqiqa. Alors, ils font une comparaison de la créature avec le khaliq, alors que le khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours existé. Enfin, l'imad a cette comparaison. Fil-haqiqa, l'insan yattahim nafsa. Et s'il n'arrive pas à comprendre, il se remet en question who. Et il fait des efforts et il suit as-salaf. Pourquoi as-sahaba radiyallahu anhum ils n'ont pas fait cette comparaison? Ça serait quelque chose d'utile et ça serait la vérité. As-sahaba radiyallahu anhum ils auraient fait ces soi-disant explications de certains attributs avant al-muharrifa, al-ash'ira wa al-maturidiyya wa ghayrihim. Qala fa innahu subhanahu a'lam bi nafsihi wa bi ghayrihi. Hada kadhalik hada al-iman sa'id buku fi hada al-bab. أن الله سبحانه وتعالى إلي أعلم بنفسه. فمثلا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه إلى دم بل يداه مبسوطتان. أخبر أنه إلى فيزاج أنه يدسن ينزل ربنا. البروفيت صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل ربنا في كل ليلة آخر ثلث الليل. هم كيس كيديز يديز لا. Si tu leur dis صفة النزول هم يديز لا. Ils disent, c'est pas Allah qui descend, c'est un ange. L'un roule, il calme sur l'islam, fa innahu subhanahu a'lam bi nafsihi wa bi ghayrihi. On va croire qu'il un, on va croire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la parole de ce makhlouq qui mélange tout. Allah subhanahu wa ta'ala قال بل يده مبسوطتان. Il a deux mains. Subhana. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bi nafsi. C'est l'alim. Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout, il se connaît lui-même, il connaît tout le monde. Il ignore rien, il n'y a rien qui lui échappe. Al-Imada prend l'explication d'un égaré et laisser le verset clair où Allah subhanahu wa ta'ala il informe qu'il a des mains. Qala wa asdaqu qila wa ahsanu hadithan min khalqih. Ça, ça nous montre que les gens qui ont harfou dans ce bab, en réalité, assa'u dhann billahi azza wa jal. Ils ont pensé qu'ils savaient, ils ont pensé qu'ils comprenaient, et ils ont délaissé en réalité kalam Allah azza wa jal. Qala thumma rusuluhu sadiqun musaddiqun bi khilaf alladhina yaqulun alayhi ma la ya'lamun. ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كذلك الرسل صادقون مصدقون. Le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام il nous a informé de beaucoup d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Islam rahimahullah dans cette risala il a cité jumla min al-ahadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va croire qui? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le sadiq al-masduq, al-mu'ayyad bil-wahi, alladhi la yantiqu anil hawa. Ou on va écouter wahid qui fait passer sa raison avant les textes, qui fait du qiyas, il fait des comparaisons. Iyadam billah, il a des mauvaises pensées. Et le fruit de tout cela, il rejette un attribut. Ou il fait du tahrif, il déforme. فلهذا قال بخلاف الذين يقولون عليهم ما لا يعلمون. Qui c'est qui les a informés أن الله سبحانه وتعالى il a pas de main. نحن on va inverser الآن. Si nous pose la question, نحن on leur dit c'est Allah qui nous a informés. بل يداه مبسوطتان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يديه يمين. Donc Allah il a bien deux mains. Si nous pose la question, on leur dit نحن c'est Allah qui nous a informés. Dans le Coran, et vous-même vous croyez au Coran, donc vous lisez le verset, et le prophète عليه السلام, il nous a informé. Hommes, ils vont dire, lakin, c'est pas des vrais mains. On va leur dire, qui c'est qui vous a dit? Men, ça vient d'où? Citez-nous un hadith. Citez-nous la parole d'un sahabi. Ils pourront pas, abadan. Qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste al-qiyas, al-fasid. Ils ont dit, si tu dis qu'Allah, il a des vraies mains, c'est que tu le compares à la créature. Min ayn hada? Ça vient d'où hada? C'est batil. Allah, il a des vraies mains et ça ressemble pas à la créature. Il y a aucun problème. Kama anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a une vraie vie, c'est le hay. Et nous, en tant qu'être humain, on a une vie, on est vivant. Et la vie de l'être humain ne ressemble pas à la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'iman, on a accepté. Kadhalik al-ilm. L'être humain, il a du ilm. Allah subhanahu wa ta'ala qal i'lam annahu la ilaha illallah. Donc celui qui connaît la ilaha illallah, il a du ilm. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'alim. Alimul ghaybi wa shahada, il connaît tout. Est-ce que hada l'ilm, il est comme hada l'ilm? Là. Donc pourquoi ils acceptent Ibn al-Umur? Ça montre que c'est le hawa. Et ça montre que c'est l'inhirab. Bel, comme a bayyana cheikh al-Islam, et taqaddam ma'ana fil qa'il mutla, wa zayati, incha'Allah, bit tafsil fi taqrib at-tadmouriya, rahimahullah, anna fil makhlouq, on accepte cette différence. La force du lion, c'est pas la force d'un chat. La force d'un être humain, c'est pas la force d'un chameau. La vue d'un être humain, c'est pas la vue de certains animaux. On accepte cette différence. Falimada fi haqqillah azza wa jalla, ils se sentent qu'annahum sont, on leur a imposé de faire hada al-qiyas al-batil, de faire cette comparaison. Kadhalik hum yaqulun anna as-situdi que si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage ou des mains ou autre parmi les sifat d'Allah azza wa jalla, tu le fais ressembler à la créature. On va leur dire quelle créature? Il y a des milliers de créatures. Les êtres humains autres que les êtres humains entre eux, c'est pas la même chose. Enfin, tu vas faire ressembler avec laquelle? Tout ça, ça montre que c'est batil. Qala fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifun lir-rusul. Fasabbaha ay nazzaha نفسه التسبيح ست تنزيه قال عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي عما يصفون به المخالفون. أي الله سبحانه وتعالى سبح نفسه, أي نزه نفسه. أي الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de ce que المبطلون المنحرفون les égarés ils le qualifient, le caractérisent. مثلا ils disent qu'il n'a pas tel attribut. Ou بعضهم عياذا بالله ils le font ressembler à la créature. الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن هذه الأوصاف. قال وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وسلام على المرسلين سنمونتخ أن الله عز وجل رضي عن هؤلاء. والله سبحانه وتعالى إلام هؤلاء il les envoie avec la vérité, donc si tu veux la vérité في هذا الباب وفي غيره suis هؤلاء, suis الرسل. Et pour nous, on doit suivre le dernier, le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Et pour pouvoir suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, tu dois suivre As-Sahaba radiyallahu anhum. Pourquoi As-Sahaba radiyallahu anhum? Personne, tu ne trouveras jamais un délit. Un sahabi, il a rejeté maintenant la tribu des mains ou du visage. Ou un d'eux, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wasalam, est-ce que c'est Allah qui descend? Abadan. Ils ont accepté les mains. Les anna Allah subhanahu wa ta'ala hadahum, il les a guidés. Et nous, on doit suivre cette guidée. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. On n'a pas à poser ce genre de question. كيف, comment, pourquoi, mais في هذا الباب, c'est خطير. هذا الباب, c'est un باب de تسليم. Tu te soumets complètement. السلف رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم, ils ont écrit des livres في هذا très très simple. Et شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, il a الحقيقة résumé ces livres, cette croyance في هذا المتن. أنت tu as plus qu'à lire, tu as plus qu'à étudier, à comprendre et mettre en application. Et le prochain cours, on lira inshallah ta'ala كلام الشيخ سعدي رحمه الله. نكتفي بهذا القدر et on passe à notre deuxième درس بإذن الله عز وجل.